Les autorités sud-coréennes font courir la rumeur de la crise d'août visant à aggraver la tension dans la péninsule coréenne après notre grande réussite au deuxième lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type Phason 14. D'après elle, la possibilité de choix militaire de l'administration Trump s'agrandirait puisque notre pays a franchi la ligne de défense tracée par les Américains à la suite de la réussite au deuxième lancement d'essai. D'autre part, les conflits et contradictions sino-américains auteurs du problème nucléaire de la Corée du Nord s'aggraveraient de façon à empirer la tension militaire dans la péninsule coréenne. Surtout à l'occasion des manœuvres conjointes Ulti Freedom Guardian prévues en août, nous prendrions une nouvelle contre-mesure militaire ultra dure. Tout cela vise à faire de notre lancement expérimental la meilleure occasion à la recherche des faveurs des Américains. Il s'agit donc de la ruse propre aux autorités sud-coréennes, habituées à l'aveugle fidélité et à la servilité aux Américains.